Oui, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Mme Flavia Montenegro-Menezes, qui a fait un doctorat à AgroParisTech en aménagement et développement durable et qui est actuellement professeure invitée à l'Université du Massachusetts. Donc, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez premièrement nous parler de votre recherche qui portait sur la problématique urbaine, sur des questions d'espace en ville? Oui. Bon, j'ai fait ma recherche en aménagement urbain et régional, une recherche interdisciplinaire qui a parti donc d'une recherche théorique sur les arguments et les pratiques de plusieurs sciences, de plusieurs démarches touchant la ville et l'environnement urbain. L'objectif de votre recherche portait sur quoi? Enfin, les résultats, quels ont été les résultats que vous avez trouvés dans le cadre de votre recherche qui se portait à Curitiba? Oui, c'est en fait donc une recherche interdisciplinaire qui, à partir des arguments et des démarches de plusieurs disciplines touchant la ville et l'environnement, on a construit un tableau des critères de développement urbain durable, un tableau interdisciplinaire qui est à la fois circonstanciel et global et aussi qui va de l'individu et des rapports sociaux jusqu'au niveau planétaire tout en passant par les sites, les bâtiments et la ville. Mais comme une interdisciplinarité, les angles peuvent être très élargis, c'est essentiel alors de bien définir les sites et notre site était à l'échelle municipale, donc même les rapports au niveau de la communauté, au niveau régional, c'était fait à partir d'un angle de vue d'action municipale. La ville que nous avons choisie, c'est la ville de Curitiba, d'une part parce que cette ville a une tradition centenaire en planification urbaine qui a permis de bien structurer l'espace urbain et ainsi nous apporter d'une façon très nette et claire quels sont les enjeux et l'effectivité, la portée et les limites des démarches de durabilité qui se sont mises en place, notamment à partir des années 70, lorsque la planification urbaine a pris la forme des sciences appliquées, approchant la question environnementale et plus récemment la question sociale. Bon, les résultats des recherches, on pourrait dire d'une forme très générale, c'est que malgré le fait que plusieurs stratégies effectives, sociales et environnementales sont mises en place, on peut constater que ces juxtapositions des expériences ont un effet très faible par rapport aux trajectoires en cours non durables et aux mécanismes générant les dysfonctionnements urbains. Donc, on pourrait se poser la question alors si ces démarches sociales et environnementales qui sont vraiment popularisées par le développement urbain durable, bon, on part du principe, on assume aujourd'hui que la mise en place, la mise en œuvre d'une démarche durable par les politiques peut engendrer une transformation générale des problèmes récurrents comme la pauvreté et les questions environnementales. Mais en fait, si ces questions peuvent être réglées ponctuellement, les mécanismes les générants ne sont pas en effet touchés. Donc, vous parliez que le développement n'est pas un bris de la planification urbaine actuelle. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Que le développement durable s'insère dans ce qui existe actuellement, c'est un peu, on galvaudrait quelque part le concept en ne changeant rien. Oui, en fait, ça change, disons, symptomatiquement, mais pas en fond, parce que c'est comme si nous essayons d'insérer une démarche nouvelle, intégrée, systémique, interdisciplinaire dans une structure ancienne qui a la tendance spontanée à s'adapter aux règles budgétaires. Donc, malgré toutes les recommandations et les souhaits, dans la pratique, on a pu constater que, bon, en utilisant les termes populaires de développement durable, c'est que les piliers économique, il a encore bien plus de poids que les piliers sociaux et écologiques. Et ce qui limite un peu les marges de manœuvre des sciences appliquées, d'entraiter les interactions des processus socio-écologiques. Alors que les buts des sciences appliquées avec l'interdisciplinarité, c'est justement ce but systémique de considérer ces processus et favoriser le maintien de la vie surtout. Alors, les piliers économiques, les questions économiques, elles n'auraient à être prises en compte qu'à partir du moment qu'on a évalué les questions sociales, l'équité et les questions écologiques. Vous avez parlé entre autres des questions budgétaires, de l'économie, en fin de compte, les questions budgétaires ont tendance à empêcher de prendre les décisions, de changer la planification, et tantôt on parlait justement de la gouvernance participative et des budgets participatifs. Est-ce que vous pensez que ça va changer, ça changerait des choses, que les budgets deviennent participatifs? Est-ce que ça permettrait de briser quelque part la planification urbaine traditionnelle? Les budgets participatifs, ils ouvrent un champ de possibles très important. Surtout parce que, d'une part, ils donnent accès aux populations, la plupart du temps, marginalisées. Et s'il est intégré dans la politique générale de la ville, il crée une certaine transparence en évitant des corruptions. Bon, c'est un espace où n'importe quel citadin, n'importe son niveau de scolarité, peut venir et réinvitiquer, et faire ses demandes et être attendu. Surtout, c'est un espace qui contribue à calcifier la citoyenneté, parce qu'on est tout le temps mis vis-à-vis des autres habitants, en train de considérer quelles sont les priorités ensemble et collectivement prendre des décisions. Donc, c'est un espace très important. Pourtant, l'espace de la démarche participative, c'est encore du domaine politique et économique, parce que les démarches participatives visent surtout, dans la plupart des cas, et c'est le cas à Port-Alegre notamment, qui est un exemplaire, au moins jusqu'à quelques années avant la gouvernance soit mise en place, mais c'est surtout par rapport à la destination des ressources. Donc, c'est encore limité à la question économique. La question de ramener le social à un niveau, de ramener la démarche ascendante, de créer une démarche ascendante, donc on dirait que ça passerait surtout par ramener les sciences à ces espaces aussi, c'est-à-dire c'est de passer, bon, la question est, le social aujourd'hui, il est un concept surtout politique. La durabilité, ça oscille entre les techniques et les politiques. Et les questions, et les domaines, les sphères sociales de la durabilité, elles s'y réfèrent surtout à une sphère politique et non pas scientifique. Depuis le passage de l'école de Chicago, au moins, la question sociale en ville, en aménagement urbain, est très peu empirique. Au contraire de la question des sciences physiques, qui sont très empiriques. Donc, pour un vrai changement, pour répondre à votre question sur la possibilité d'un vrai changement, nous, on dirait que substituer les concepts sociaux, politiques par un concept scientifique de culture intégrant les dynamiques sociales et les rapports des habitants au milieu naturel, c'est là où il permettrait un vrai changement, parce que là, on pourrait créer un espace où les dialogues entre les sciences physiques et les sciences sociales puissent effectivement se faire. Si je revenais un peu à votre recherche, et je pense qu'on se dirige un peu vers ça, vous m'avez dit que c'était vraiment l'idée à la base, c'est-à-dire qu'il y avait un cadrage de mettre à l'épreuve les critères, les indicateurs, mais c'était pas, en fin de compte, de regarder des indicateurs empiriques, comme on a tendance à faire dans les plans de développement durable, on a tendance à vouloir dire la pollution a diminué, donc nous faisons du développement durable. Je pense que votre cadrage était un peu différent de votre type de recherche, c'était mettre à l'épreuve un autre type d'indicateur, d'avoir une autre vision. Si, justement, c'est que j'appelle les indicateurs de durabilité de la ville. Ils sont un peu différents des indicateurs classiques, dans le sens où il ne s'agit pas de prendre les critères de durabilité et de les mesurer, et de mesurer mathématiquement la qualité et la quantité des variables, Donc notre but n'est pas de mesurer la qualité de l'environnement, mais c'est en fait, dans le sens inverse, de mesurer nos proportions à l'égard de la durabilité. Donc par exemple, au lieu de nous pencher sur les taux de pollution de l'air, la sécurité des jours, la quantité des jours où les taux de pollution sont supérieurs à la sécurité permise, admise, on va se pencher aux stratégies et aux politiques qui auront par conséquence la diminution de ces taux de pollution d'air. C'est le même cas pour la question sociale. Au lieu de cibler les taux de chômage ou l'accès à l'habitation, on va s'y pencher sur les stratégies et les politiques urbaines qui auront par conséquence une amélioration de l'accès et une convection sociale. Je suis rédacteur en chef de Vertigo, mais aussi chercheur, et mes recherches portent entre autres sur l'agriculture urbaine. Donc ce que j'entends, c'est que l'agriculture urbaine pourrait être un de ces indicateurs-là, puisqu'en fin de compte, c'est plus politique, c'est l'insertion, il n'y a pas vraiment d'indicateur, sans le problème des villes qui veulent mettre l'agriculture urbaine ou les jardins communautaires, jardins collectifs, jardins partagés en France dans leur stratégie, ils ne savent pas comment mesurer. Parce qu'en fin de compte, c'est dur à mesurer, mais c'est quand même un réel développement chez les citoyens du développement durable, et peut-être c'est la structure qu'il faudrait penser. Oui, effectivement, l'agriculture urbaine est sans doute un critère qui intègre les indicateurs de durabilité, cet outil méthodologique que j'ai construit. Et en effet, l'agriculture urbaine joue un rôle essentiel dans la ville, non seulement par rapport à la richesse de la diversité biologique, de la faune et de la flore, tous les deux, parce que ça va attirer les animaux aussi, et ça a une conséquence très importante. Comme pour, c'est un outil incroyable, autant dans les sphères sociales qu'économiques, que politiques. Alors, il s'intègre tout à fait dans ces critères-là, dont le but n'est pas de mesurer, mais d'avoir comme stratégie prioritaire d'action pour la durabilité de la ville. Et on a parlé beaucoup d'interdisciplinarité dans votre recherche, vous mentionnez le mot, et j'ai aussi noté pendant que vous parliez appliquée, science appliquée. Est-ce que pour vous l'interdisciplinarité c'est nécessairement une science appliquée? Quel est le lien entre les deux quand vous parlez de science appliquée? Est-ce que c'est obligatoirement de l'appliquer? Bon, en planification urbaine, la planification urbaine jusqu'aux années 60 était plutôt du domaine du design architectonique. Et c'est suite aux années 70 qu'elle a pris la forme des sciences appliquées. Mais je ne dirais pas que les sciences appliquées et l'interdisciplinarité sont des synonymes. Parce que ce qu'on a plutôt tendance à faire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une superposition des disciplines, en espérant que les résultats finaux soient améliorés. Donc cette façon de faire, donc on amène les apports des différentes disciplines, et on les rassemble et on les ajuste de la meilleure façon possible autour de la construction d'un projet. Alors que, à mon avis, une vraie interdisciplinarité, elle porte non seulement sur la construction d'un projet, mais surtout sur la construction de l'objet de l'étude. Et c'est une démarche beaucoup plus exigeante parce qu'elle exige le dialogue constant des disciplines sur les sites. Et à partir de ces dialogues, de ces échanges, les objets d'étude sera construit autour d'un projet commun. C'est une démarche bien plus exigeante et qui ne pourrait pas se faire si elle n'est pas, ça ne privilégie pas une approche par site ou par micro-site. Okay. Donc, dans le cadre de votre recherche à Curitiba, comment vous avez impliqué cette démarche-là? Cette démarche-là a été impliqué à partir de la définition d'un cadrage commun. Donc, ce cadrage a balisé toutes les sciences et toutes les démarches sur un même but, qui dans notre cas, c'était de considérer une ville durable sur l'échelle municipale que nous avons choisie. C'était de considérer une ville durable comme celle, en bref, qui soutient à la fois les processus sociaux, les bien-être intellectuel et spirituel et physique des sociétés, tout en ne remettant pas en cause la capacité de régénération des écosystèmes. Donc c'est ce cadrage qui nous a permis d'établir les dialogues des disciplines sur les sites. Donc vous étiez une équipe? Non, j'étais en fait une chercheure individuelle qui j'ai fait recours à des étudiants pour les enquêtes sur les terrains. Ok. Et vous aviez beaucoup d'intervenants au niveau de la ville. Comment vous réussissez à voir tout? Donc tout seul, vous avez tout couvert. C'est vraiment c'est rare qu'on voit du monde, on parle à des gens qui sont vraiment interdisciplinaires. Félicitations, parce que c'est effectivement très exigeant. Et en général, on ne fait pas un doctorat dans les 3 ans. Plus ou moins au Québec, au Canada, on dit 3 ans, mais en général, c'est 4 ans. Mais en général, j'ai pris plus de temps que ça d'abord. C'était nécessaire. Oui, j'ai fait un peu plus longtemps que ça. Mais bon, d'abord, j'ai parti d'une théorique et des cartes, des plans, des statistiques. J'ai fait une recherche très large à ce sujet-là qui m'a aidé à définir quels sont les acteurs et les secteurs de la ville où je devrais avoir des entretiens et une observation empirique directe. Donc, d'abord, j'ai fait une recherche en chaque représentant de l'administration, dans les organisations non gouvernementales, dans les associations des quartiers, j'ai fait des entretiens collectifs, j'ai fait une démarche aussi très intéressante dans les écoles publiques de la ville, où les entretiens c'était plutôt iconographique, ça veut dire j'y arrivais sans trop expliquer aux enfants, je les ai demandé de me désigner leur ville. Et ces dessins qui m'ont fait les enfants étaient vraiment très expressifs parce que sans filtre, ils ont pu exprimer les vrais vécus. Donc ça, c'était très important. Et peut-être le plus important, c'était des entretiens organisés par petits groupes de 10 personnes où, en partant du vécu de chacun, j'ai pu élargir jusqu'à l'échelle de la ville et donc avoir une expérience du vécu de la ville. Ça a pris longtemps. Oui, donc je vois une étude très exhaustive avec beaucoup d'entretien. Lorsqu'on parle d'urbanité, de développement urbain en milieu urbain, si on prend le cas que je connais plus, Montréal, où le développement urbain est géré par la ville-centre, donc par la grande ville, mais elle est appliquée dans les quartiers. Ouais. Donc, on vous avait parlé dans la recherche des problèmes de sites, micro-sites, c'est la question d'interdisciplinaire, et là, vous avez pris toute la ville. Mais comment vous avez joué à ces différentes échelles-là? Est-ce qu'on peut avoir une ville durable ou viable, mais les concepts de développement durable en avant? Mais en fin de compte, puisque l'application est dans les quartiers, la réalité va être tout autre selon les régions de la ville. C'est vrai, oui. Donc, c'était bien défini, notre approche, de cibler l'échelle municipale, même si c'est très envisageable dans le futur, de faire une approche multilatérale considérant les différents échelons à l'intérieur de la ville, aussi bien que l'échelle métropolitaine et comment ce rapport se fait. Mais bon, on ne pourrait pas tout couvrir. Mais ce qui est intéressant à Curitiba, c'est parce que vu que le cadre urbain est très structuré, cela nous a permis, par exemple, Curitiba a mis en place un système d'administration décentralisée, c'est-à-dire par regroupement des quartiers, il y a un représentant de la mairie, une sous-mairie, qui s'appelle en fait rue de la citoyenneté, rue de la cidadanie. Et ces sous-administrations qui sont placées dans les lieux stratégiques de la ville, souvent à côté des terminaux de transport pour favoriser l'accès de la population à l'administration, elles ont tous les organismes, les représentants, des secrétariats de l'administration. Donc, en même temps qu'elles facilitent l'accès de la population, il est là pour adapter les projets urbains, pour donner la couleur du projet global de la ville à chaque quartier. Et ces sous-mairies, elles ont un petit peu de flexibilité aussi pour s'adapter à la réalité de la région concernée. Donc nous avons approché par cette échelle-là, l'échelle des microsites, disons. Afin d'arriver un peu vers la fin de cette entrevue, c'est très, très intéressant par rapport à votre recherche. Mais là, vous avez travaillé à Curitiba, il y a d'autres villes à travers, on parle de Montréal, Paris sûrement aussi, Lyon, et donc il y a d'autres villes qui sont dans ces processus-là. Et votre regard de chercheur et d'expert dans le domaine, vous avez l'impression que actuellement les villes vont dans la bonne direction, apprennent des exemples comme Curitiba, ou actuellement on galvaude le développement durable ou la ville viable? Oui, bon, je dirais que tous les efforts vers la durabilité sont valables, parce que c'est ça justement, c'est d'associer des efforts, c'est chacun de partir de ce qu'on a entre les mains et apporter un petit peu vers une direction commune. Mais en général, je dirais qu'un aménagement urbain et régional, il serait nécessaire un renouvellement en profondeur de la méthodologie de planification pour qu'on puisse vraiment atteindre un développement effectivement durable. Et ces changements que nous proposons seraient justement de ramener, de mettre l'habitant et les modes d'habiter au centre de la démarche pour qu'ils puissent construire une démarche ascendante à partir de l'intégration des processus sociaux et écologiques. Pour cela, on propose la conceptualisation scientifique des milieux culturels, qui ce sont des milieux qui intègrent autant les milieux sociaux que l'habitat naturel et les intégrations qui s'y font dans cet espace, dans un site précis. Donc pour nous, pour qu'on puisse avoir vraiment une approche interdisciplinaire et systémique, on ne pourrait les faire qu'à partir de la considération de l'intégration de ces processus sous un site précis. Et ceci veut dire surtout mettre en valeur, mettre en avant l'identité et la diversité biologique et culturelle. La diversité écologique, elle est déjà bien acceptée dans les milieux scientifiques. Elle a, d'une certaine façon, trouvé son chemin vers la formalisation par le biais des disciplines comme l'écologie du paysage, les trames vertes, les infrastructures naturelles. Mais le concept de diversité culturelle, il est à la fois plus récent et plus discret. Mais pourtant, la culture est aujourd'hui acceptée comme une valeur fondamentale autant que celle de la diversité biologique. Mais merci beaucoup. On avait le plaisir d'accueillir Madame Flavia Montenegro Menezes, qui est professeure, actuellement professeure invitée à l'Université du Massachusetts aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.